الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا رحمني الله وإياكم أن أعظم الكلمات وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة التقوى لا إله إلا الله هذه الكلمة من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ومن أجلها خلق الإنس والجان ومن أجلها أرسل رسله الكرام وأنزل كتبه العظام ومن أجلها شرع جميع الشرائع سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ومن ضاد هذه الكلمة وخالفها وأعرض عنها كان من أهل النار أعاذنا الله وإياكم من أهل النار فلا إله إلا الله لها فضائل كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله منها أنها أفضل الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أفضل الذكر لا إله إلا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا فلا إله إلا الله إليها دعت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب عن عبد الله بن عمرو ولا إله إلا الله وصية الأنبياء عند الاحتضار، كما أنها دعوتهم في حياتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاص عليكما الوصية، أنهاكما عن اثنين وآمركما باثنين، أنهاكما عن الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله. هذه وصية نبي الله ورسول الله نوح عليه السلام عند الوفاة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يزور عمه أبا طالب عند الاحتضار، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذه دعوة الأنبياء، وهذه وصية الرسل أيها المؤمنون. فبهذه الكلمة يكفر الله سيئاتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر الله بها سيئاتنا ويدخلنا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، أو وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا إله إلا الله سبب تكفير الذنوب وإدخال الجنة برحمة الله عز وجل. ولا إله إلا الله مفتاح الفرج ودواء القلوب الحزينة المريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لا يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله، فإنه لا يدعو بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب الله له. ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله جنة من النار. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فمن حقق التوحيد واجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر كان من أهل الجنة دخولا أوليا، ومن كان دون ذلك بأن ارتكب بعض الكبائر ولم يتب منها قبل الممات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم مآله إلى الجنة برحمة رب العالمين. ولا إله إلا الله أيها المؤمنون، أيها الموحدون، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاذ رضي الله عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة وكان يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا إله إلا الله سبب الفلاح، سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، كما أن لا إله إلا الله سبب نيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولا إله إلا الله بها يا أيها المؤمن تحيا حياة حقيقية، ومن عاش بدون لا إله إلا الله فهو ميت، فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالتوحيد وأحييناه بالإيمان، ومن لم يعش بها كان ميتا حيا وميتا. ولا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، ولا إله إلا الله سبب الأمن والأمان في الدنيا والبرزخ، في الدنيا والقبر والآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا، لهم الأمن في قبورهم، لهم الأمن يوم القيامة، ولهم الهداية في الدنيا، ولهم الهداية يوم القيامة. أسأل الله عز وجل الذي لا إله إلا هو أن يمن علينا أجمعين بتحقيق التوحيد وبالفوز بالجنة وبالنجاة من النار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التوحيد. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الطيبين الطاهرين، وعن أمهات المؤمنين وآل بيت سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. Sachez qu'Allah me fasse miséricorde à moi-même ainsi qu'à vous-même, chers frères, que la plus lourde des paroles, la parole la plus bénie, la plus immense et la plus aimée du tout miséricordieux Allah le Seigneur des mondes, cette parole pour laquelle il a créé les cieux et la terre, cette parole pour laquelle il a créé les humains et les djinns, cette parole pour laquelle il a envoyé ses nobles messagers et révélé ses nobles livres, cette parole pour laquelle il a légiféré, ordonné et interdit, cette parole pour laquelle il a créé le paradis et l'enfer, la meilleure des paroles n'est autre que « La ilaha illallah ». Nulle divinité n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. La ma'bouda bi haqqin illallah. Hada ma'na kalimati tawhid. Nulle divinité n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Voici la traduction de cette noble parole. La parole la plus aimée d'Allah. La cause de la création des cieux et de la terre et de la nôtre. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'ils concrétisent cette parole, la ilaha illallah. Pour cette parole, Allah a créé le paradis, c'est la rétribution et la récompense de ceux qui auront dit la ilaha illallah et qui auront vécu selon cette parole. Et pour cette parole, il a créé l'enfer, c'est la punition de ceux qui se seront détournés de cette parole. Cette parole est bénie à de nombreux mérites et bienfaits. Ils sont innombrables et seul Allah connaît cette mesure et ce nombre. Mais pour rappel, dans cette Jumu'ah, rappelons-nous certains de ses bienfaits. La ilaha illallah est la meilleure façon d'évoquer Allah. Et la parole qu'il aime le plus, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la meilleure formule d'évocation est La ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il nous dit également la meilleure formulation est celle du jour de Arafah. Celle du jour de Arafah, un des meilleurs jours de l'année. Et il nous dit la meilleure parole que j'ai prononcée moi et les prophètes avant moi est La ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. À lui la louange et la royauté. Et il est parfaitement omnipotent. C'est la meilleure des paroles. La meilleure des paroles prononcées par les meilleurs des gens, les prophètes. Radiallah, sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhimu salatu wa salam. La ilaha illallah est la base, le tronc et la finalité du prêche de tous les prophètes et messagers. Et de ceux qui ensuite les ont suivis avec excellence. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, l'ensemble des compagnons, jusqu'aux prêcheurs de nos jours. Et leurs savants. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ces versets, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah, et éloignez-vous de ceux qui adoraient en dehors de lui, c'est-à-dire la ilaha illallah. Voici pourquoi nous avons envoyé tous les messagers, voici pourquoi tous les prophètes ont été envoyés. La ilaha illallah est la recommandation des prophètes lors de leur mort. Nuh, alayhi salam, le premier messager envoyé aux gens de la terre. Lorsqu'il était sur le point de mourir, il a réuni ses deux fils. Et il leur a dit, je vais vous faire une recommandation. Vous ordonnez deux choses et vous en interdire deux autres. Je vous interdis le polythéisme et l'orgueil. Et je vous ordonne la ilaha illallah. Je vous ordonne la ilaha illallah. Jusqu'à la fin du hadith. Aussi la ilaha illallah est la plus grande cause pour entrer au paradis et pour se voir pardonner ses péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est son serviteur et messager, ainsi que sa parole insufflée à Maryam et une âme émanant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, celui qui témoigne de tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses actions. Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses actions. La ilaha illallah est le remède à toutes tes peines. La ilaha illallah, c'est le remède au cœur malade, le remède au cœur soucieux, au cœur peiné. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'invocation de Younous, l'homme au poisson, lorsqu'il s'est trouvé dans le ventre de la baleine, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi, j'étais certes du nombre des injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur avec cette invocation sans qu'Allah ne l'exauce. Celui qui fait dua et qui mentionne cette parole, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Allah accepte son invocation. Allah pense ses plaies, soigne son cœur. La ilaha illallah est le meilleur bouclier et rempart contre l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, certes Allah a interdit le feu de l'enfer à celui qui dit La ilaha illallah sincèrement, ou bien recherchant à travers cela le visage d'Allah. Celui donc qui concrétise cette parole, qui adore Allah seul sans rien lui associer, il s'éloigne des grands péchés et ne reste pas continuellement dans les petits, il fait partie des gens du paradis. Il entrera le jour du jugement dernier directement au paradis et Allah le préserve totalement de l'enfer. Quant à celui qui meurt sur l'islam, mais il a des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, ou bien il est resté constamment dans certains petits péchés, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne directement, il le met au paradis. Et s'il veut, il le châtie un temps déterminé, puis il le sort de l'enfer et le met au paradis, par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah est la clé du paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, celui qui meurt et dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah », nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, il entrera au paradis. Il entrera au paradis, la ilaha illallah, et la cause de la réussite dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Vous obtiendrez la réussite. Et le jour dernier, Allah permettra au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder envers les monothéistes. Abu Huraira a dit au messager d'Allah, qui sera le plus à même de recevoir ton intercession? Qui sera le plus heureux de recevoir ton intercession le jour dernier? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. La ilaha illallah sincèrement de son cœur. Le jour dernier, un jour terrible. Le jour dernier, un jour où les nouveau-nés, où les enfants auront les cheveux blancs. Le jour dernier, un jour où tout le monde sera effrayé, apeuré. Le jour dernier est un jour où on cherchera une hasana. L'homme ira voir son père et il lui dira, quel enfant étais-je pour toi, ô mon cher père? Il lui dira, le meilleur des enfants. Il lui dira, donne-moi une hasana. Il lui dira, non mon fils. Il ira voir sa mère, ô chère mère. Quel enfant étais-je pour toi, le meilleur des fils, ô mon fils? Donne-moi une hasana. Elle lui dira, non. L'homme, il s'éloignera, il fuira ses propres parents. Les parents fuiront leurs propres enfants. Alors que dans ce bas monde, ils étaient prêts à mourir pour eux. Ce jour-là sera un jour terrible. Tu seras ressuscité, ya Abdallah. Tu seras ressuscité, cher sœur. On sera tous ressuscités, nus, pieds nus, non circoncis, dépouillés de toute richesse. On regardera à droite, il n'y aura rien, si ce n'est ce qu'on a avancé comme action. À gauche, pareil, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, chaque personne espérera une hasana avec laquelle il pourra entrer au paradis. Mais ce jour-là, il n'y aura plus rien, plus d'action, plus de repentir. Et on va amener la balance. Et Allah Azza wa Jal va venir et il va juger les serviteurs. Et les anges vont se mettre en rang et ils vont encercler les serviteurs. Waqifuhum innahum mas'ulun. Et on sera tous interrogés. Et le jugement va commencer. Et on va prendre les feuillets des serviteurs, les hasanat et les sayyiat. Et on va les mettre sur un plateau de la balance. Les hasanat d'un côté et les péchés d'un autre côté. Ce jour-là, il faudra des hasanat, ikhwan al-kiram. Le prophète alayhi salat wa salam nous informe de la hasana la plus lourde yawm al-qiyam. Il nous dit, on amènera un homme de ma communauté le jour du jugement dernier devant tout le monde. Et on va déployer ses feuillets. 99 feuillets. Chacun de ces feuillets atteindra l'horizon. Atteindra l'horizon à portée de vue. Tout cela rempli de péchés. Ensuite, on lui dira au serviteur d'Allah, est-ce que tu as une hasana pour la placer sur l'autre côté de la balance? Il aura peur, il dira, non, je n'ai pas de hasana. Subhanallah. Alors on lui dira, si tu as une hasana, et tu ne seras pas opprimé aujourd'hui. Ensuite, on va sortir une carte sur laquelle sera écrit La ilaha illallah. Sur laquelle sera écrit Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alors ce serviteur dira, ô mon Seigneur, que pourrait faire cette carte devant ces 99 feuillets? On lui dira, tu ne seras pas opprimé aujourd'hui. Puis on placera les 99 feuillets sur un plateau de la balance. Et la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, fatashati sijillat wa thaqulat al-bitaqa. Allahu akbar. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et à ce moment-là, les 99 feuillets vont voltiger et la carte sera plus lourde. Il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Voici la récompense de celui qui viendra le jour du jugement dernier avec la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la hasana, la récompense la plus bénie. Et réjouissez-vous donc de cette bonne nouvelle, ô vous les croyants, Ô vous les adeptes de l'islam, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas de vie, mes chers frères. Sans la ilaha illallah, la personne est morte. Et son corps n'est qu'une tombe pour son cœur et son âme. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas de bonne vie. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit, Awa man kana maïta. N'avez-vous pas vu celui qui était mort? Fa ahyayna. Nous lui avons donné la vie. C'est-à-dire avec la foi, avec la ilaha illallah, Allah fait vivre les gens. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas de vie. Allah nous dit également, Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager. Lorsqu'il vous appelle à la vie, lorsqu'il vous appelle à la vie, avec l'islam il y a la vie. Avec le fait d'adorer Allah seul sans associer, il y a la vie. Avec la prière, il y a la vie. Avec la prosternation pour Allah seul sans associer, il y a la vie. Avec la peur d'Allah, l'espoir en Allah, l'amour d'Allah, il y a la vie. Sans tawhid, il n'y a pas de vie, mes chers frères. Il nous faut étudier cette parole. Il nous faut vivre avec cette parole. Il nous faut enseigner cette parole. Sans cette parole, il n'y a pas de paradis, ni dans ce bas monde, et ni dans l'au-delà. Alors qu'avec cette parole, il y aura la sécurité dans ce bas monde, dans notre tombe et dans l'au-delà. Allah nous dit sur la traduction des sens de ces versets, ceux qui ont eu la foi et n'ont point troublé leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire le shirk, ceux-ci auront la sécurité et voici les bien guidés. Ceci est une partie des mérites de la ilaha illallah. Et on aurait pu ajouter, ça soigne du waswas et des attaques du shaitan. Ça apporte la sécurité de la part du puissant Allah Azza wa Jal. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Avec cette parole de tawhid, Allah te protège du shaitan. Ayatul Kursi, c'est ayatul tawhid. Suratul Baqara, Al-Qur'anul Karim, ça te protège des shayatines, ça te soigne du waswas. Et les shayatines ne peuvent pas te nuire, tu es protégé par Allah, parce que tu es un croyant, parce que tu vis sur At-Tawhid. Donc cramponnez-vous à cette parole, étudiez cette parole, comprenez cette parole, et veillez à ne mourir qu'avec cette parole. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Allahumma ya hayya qawmi rahmatika nasta'in. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد اللهم احينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد يا رب العالمين. Pour finir, un athar de Sofyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, un des grands savants de l'islam et des pieux prédécesseurs. Il pleurait énormément. Alors ses compagnons lui disaient, pourquoi est-ce que tu pleures autant? Est-ce que tu as commis beaucoup de péchés? Alors il a pris un peu de sable sur le sol ou des feuilles ou un petit bâton et il a dit, mes péchés ne sont pas plus nombreux que cela. Je ne fais pas partie des gens du péché. Mais j'ai peur qu'avant de mourir, on me retire le tawhid. J'ai peur qu'avant de mourir, on me retire le tawhid. Voici pourquoi les anciens pleuraient. Voici la cause de leur grande peur de mourir en dehors du tawhid. Donc il faut avoir peur de perdre le tawhid et invoquer Allah sans cesse pour avoir le tawhid. Wa sallallahumma wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Le père de notre frère Nardin Mirabe est décédé. On invoque Allah Azza wa Jal en sa faveur et en faveur des morts parmi les musulmans. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجاته إلى الجنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.